Le poète de la Duchesse par Philippe Gerfaut. Une vente au profit des pauvres a lieu dans l'une des plus grandes salles de l'hôtel de L. Jamais on ne vit tant de comptoirs réunis et tant de jolies marchandes. Toutes sont de grandes dames, comtesses, marquises, duchesses, princesses, auxquelles les simples baronnes se mêlent avec timidité. Le velours, la soie, les vieilles dentelles, par ces jeunes commerçantes, qui s'amusent à faire l'article et qui ne parviennent point à faire convenablement un paquet. Le papier se déchire, la ficelle casse, on rit de tant de maladresse, unie à tant de grâce. Ce que l'on vend au profit des pauvres est ordinairement inutile aux riches qui l'achètent. Mais ce qui abonde, c'est l'article Paris, d'autant plus cher qu'il est appelé à rendre moins de services. Le serre-papier sous toutes ses formes, la main d'enfant, le serpent enroulé, la bacchante couchée, le Vésuve dans l'exercice de ses fonctions, peint sur une pierre, ou la vue de la place Vendôme, sous verre. Le porte-monnaie si petit qu'il ne peut contenir ni les écus d'argent, ni les sous. Le cadre qui attend une photographie, la petite hôte qui attend des allumettes, l'encrier qui attend de l'encre et l'éternel buvard, l'eau important des loteries de bienfaisance, hommage des pauvres honteux à leurs bienfaiteurs, et qu'on se repasse dans toutes les familles comme un cadeau gênant. Madame la Duchesse de Pont tenait le comptoir des fleurs. Les boutons de rose et les bouquets de violettes de dessous se payaient 40 francs. Ne pouvant se costumer en bouquetière Louis XV, la jeune femme avait imaginé quelque chose d'approchant. Sa robe touchait à peine la terre, laissant voir un soulier découvert et un bas à jour. L'étoffe était rayée blanc et cerise. Son chapeau était presque un bonnet, mélange de fleurs, de dentelles blanches et de nœuds rouges. La duchesse avait 17 ans. Elle ne dédaignait point d'être fraîche comme sa fermière, mais avec des nuances plus fines. Elle était ravissante des pieds à la tête. Elle appartenait, je n'ai pas besoin de le dire, au plus pur faubourg Saint-Germain. C'est un monde à part que celui-là. On y a le respect de tout ce qui est, à commencer par Dieu, de tout ce qui fut, à commencer par la royauté. Tandis que dans un autre monde, la philosophie n'est que l'antichambre de l'athéisme et qu'on y raille tout ce qui est politique, comme on a raillé tout ce qui est divin. Là, on partirait pour la Terre Sainte avec la même foi, pour Koblenz avec la même fidélité. Entrez dans un salon du noble faubourg, vous y verrez d'abord quantité de vieilles gens. Les hommes ressemblent à leur parchemin. Quant aux femmes, avec leurs bonnets à triple ruche, leurs manches trop larges, tous leurs costumes démodés, il n'y a pas à hésiter, ce sont des portières ou des duchesses. Leur ton vous rassure aussitôt. On ne trouve là que cette manière exquise de parler la langue du siècle de Louis XIV. Vous y serez jugé si vous prononcez mon fils autrement que mon fils, et si vous dites une dame de ma connaissance au lieu une femme de ma connaissance. C'est là que vous verrez des femmes vraiment supérieures. Elles sont d'un degré au-dessus des hommes et sont vraiment reines, alors qu'ils ne sont que princes du sang. Quoi qu'il en soit, ce milieu d'émigrés dans Paris et de douairières à bonnet ou à chapeau extraordinaire est tout aussi dangereux qu'un autre pour une jeune femme. Pourquoi ? Parce que l'on a coutume de se désoler de tout. La peste noire régnerait en France, la révolution fonctionnerait avec sa guillotine, la noblesse serait obligée de boire tous les matins un verre de son propre sang. Nouvelle sombreuil, qu'on ne pousserait pas plus de gémissements. Il semble que le Louvre soit en ruine, la noblesse en cendres, les bons sentiments en poussière, l'amour envolé, l'amitié et le dévouement disparus. Et pendant que les Jérémie et les Cassandres se plaignent, les petits jeunes gens, mal contenus par leur famille et sévèrement gourmandés par le précepteur, font la cour aux jeunes femmes. La duchesse Henriette était donc fort courtisée, car elle avait 17 ans et le duc 60. La curiosité précédait l'amour qu'on avait pour elle. Il en est des femmes de vieillards comme des femmes de marins. On ne sait si leur abandon leur cause trop de joie ou trop de peine. Mais le séducteur se promet de partager leur joie ou de les consoler de leur tristesse. Donc, de tous les problèmes qu'on se posait, la solution était que la duchesse aimerait. N'était-elle pas exposée à mourir d'ennui, vivant avec ce vieillard, ne voyant que des vieux et des vieilles? Philémon et Baucis furent, dit-on, changés en arbres. Qu'on se figure une forêt de Philémon et de Baucis au murmure plaintif, un terrain jonché d'illusions perdues en guise de feuilles sèches. Ah, si le noble faubourg n'avait pas envoyé ces jeunes gens à la duchesse, elle en serait morte de consomption. Ils étaient là au moins une vingtaine autour du comptoir de madame la duchesse, convoqués par une lettre imprimée où le nom de la jolie bouquetière figurait parmi les dames patronesses. Le dialogue était gai comme au bal, et vraiment, l'on ne se fut pas douter qu'il était question de charité entre ces jeunes gens et cette jeune femme. « Quoi, plus de roses? Et que nous vendrez-vous »« En vérité, dit Henriette, je ne sais pourquoi les marchands se plaignent que le commerce ne bat pas. 60 acheteurs au moins sont venus me dépouiller de mes fleurs. Mais vous me voyez très embarrassé. Vous arrivez avec les poches pleines d'argent pour mes pauvres. Que vais-je vous vendre ?»« Votre mouchoir de poche ?»« Le peigne brun qui mord vos cheveux blonds ?»« Le nœud de votre soulier ?»« Votre gant ?» Quelque chose que vous n'avez jamais donné, un soufflet. Voilà une grande faveur, dit la duchesse. Le droit de baiser votre main, madame la duchesse, c'est pour les pauvres. Ce que vous demandez est tout à fait grave, dit la duchesse. Il ne faudra rien moins que l'esprit de charité pour y consentir. À l'unanimité, madame, nous déclarons que vous pouvez permettre le baise-main. La voix des hommes, je crois bien. Vous ne pouvez être jugé parti. Que l'un de vous se procure des crayons, du papier blanc, et aille demander la voix des dames patronesses, alors je consentirai. Un chapeau servira d'urne électorale. » Ce qui fut dit fut fait. Chaque marchand donna en riant son bulletin et on procéda au scrutin. Il y avait une quinzaine de patronesses. Dépouillement fait, il y eut 15 oui, tant il est vrai qu'une femme est toujours bien aise d'en compromettre une autre. On payait d'avance, car c'était pour les pauvres. 100 francs, 200 francs, 1 000 francs, les billets de banque s'entassaient. Quand les 20 jeunes gens eurent baisé la main, il en arriva un 21e que madame de Pont ne connaissait pas. Il avait l'air triste et violemment ému. « Hélas, dit-il, je n'ai que 20 francs. » Le ton de cet homme émut madame de Pont. Soit qu'elle eut l'ardeur charitable des apôtres, soit que tout autre sentiment la poussa, elle tendit sa main, et la main gauche, car elle avait donné la droite aux autres fidèles, à cet inconnu qui la saisit avec un inexprimable sentiment de bonheur. De ces différents baisers, la duchesse tira à cette conclusion que 20 hommes lui faisaient la cour et que le 21e seul l'aimait. Car il y a baiser et baiser. Il y en a pour tous les sentiments, la jalousie, l'hypocrisie, la haine, le devoir, le respect, l'amitié et l'amour. Il y en a de froid, de tiède et de brûlant. Aucun jusqu'alors ne l'avait fait tressaillir. Mais celui-là courait comme un frisson jusqu'à la moelle des os, jusqu'au cœur. Quel était cet être magique que dans les romans on appelle un inconnu? Il était pauvre, à le juger d'après son costume et son offrande. Il n'avait sans doute pas mangé depuis la veille pour payer sa cotisation aux pauvres afin de contempler la duchesse. À ses yeux magnifiques, à son front élevé, à ses cheveux abondants rejetés en arrière, Henriette avait deviné un poète. Il l'avait entrevu. C'était assez pour qu'il l'aimât. Elle ne l'avait pas remarqué. Les jours suivants, la duchesse s'arrêtait devant la vitrine des libraires et regardait les livres nouveaux. Elle les achetait, espérant y trouver l'aveu d'un amour enflammé. Mais les vers semblent faits pour toutes les tailles, et la jeune femme, n'y pouvant trouver d'indications suffisantes, renonça à mettre la main sur le miroir littéraire qui devait reproduire son image. « Eh bien ?» Elle aimait cet homme d'une nature sauvage, farouche, concentrée. Les femmes aimeront toujours mieux les loufoves que les chiens de saltimbanque exécutant leurs courbettes en habits de clinquant. Elle ne voulait pas renoncer à son idéal. C'était un poète, seulement il n'avait rien produit. Elle rêvait qu'elle se promenait à son bras, par une de ces nuits bleu clair où les arbres se détachent comme de la dentelle noire sur l'horizon. Ils échangeaient leur âme sous le dais étoilé des cieux. On peut comparer les illusions à des lunettes qui transformeraient les objets. Casser ces lunettes, ce n'est rien. Mais ce qui est horrible, c'est un coup violent qui vous les casse sur les yeux et miette le verre dans vos prunelles. Ce fut peut-être ce qui arriva à la duchesse. Elle était tellement emportée par le tourbillon de ses sentiments qu'elle avait failli oublier le bal des Latour-Cobourg, chose très importante dans sa vie de jeune élégante. Cependant, elle avait... Au dernier moment, trouvait le courage nécessaire pour visiter les magasins, et sa force d'âme lui avait permis d'essayer rapidement tous les corsages qui ne la gênaient point aux épaules. Restait un dernier achat à faire. Et, vous le dirai-je, Henriette avait les plus beaux cheveux du monde, mais il se refusait obstinément à friser. Ni l'eau, ni le feu, ni le fer, ni le papier roulé, ni la torture jour et nuit n'obtenaient d'eux ce résultat. Elle avait des talents acquis et des dons naturels, mais comme le ciel avare ne nous donne pas tout, il faut bien l'avouer, la duchesse ne frisait pas. Que sont les faux cheveux, après tout? Les humbles serviteurs des vrais cheveux, les empêchant de travailler, de se fatiguer. Henriette alla donc chez un artiste capillaire et commanda deux boucles d'une longueur prodigieuse. Elle s'apprêtait pour le bal, et lorsque sa femme de chambre vint lui annoncer que le garçon coiffeur était là, elle endossa un peignoir blanc. Tout d'abord, elle ne le vit que de dos, car il préparait ses peignes et ses épingles sur une table. Elle admira, au coin de cette même table, les deux boucles blondes, couchées comme deux sœurs jumelles dans leur berceau, dans un carton blanc. Le coiffeur en prit une à chaque main et se retourna vers sa cliente. Il rougit, trembla et se jeta à genoux, tenant toujours les deux boucles toutes droites devant lui. « Oui, madame, c'est moi qui vous ai vue chez mon patron. C'est moi qui ai baisé votre main, c'est moi qui vous adore. » Un geste hautain ne le laissa pas finir, et ce soir-là, ce fut un autre coiffeur qui peigna les cheveux de madame la duchesse de Pont. Ainsi s'achève le poète de la duchesse par Philippe Gerfaut.